Une férocité impossible à atteindre, de Judith Louis. Drôle d'endroit. Quatrième émission. Je crois que de tous ceux qui participent à ma visite, c'est la salle d'attente que je préfère. Ce passage obligé par la lenteur et la moiteur qui favorise petit à petit la dévorante introspection. Tout se passe comme si de rien n'était. Je feuillette les mêmes journaux usés, dont le stock est rarement renouvelé, pour ne pas dire jamais. J'essaie de deviner pourquoi les autres sont venus. Je voudrais m'approprier leur vie. Je suis si proche d'eux, soudain, mes presque frères. Eux non plus ne s'intéressent pas aux journaux. Ce sont des habitués. Nous, les piliers de bar, depuis le temps qu'on vient, on a eu le loisir de les lire et de les relire. Alors finalement, on se regarde. Pas franchement, bien sûr, pas grossièrement des pieds à la tête. Mais quand même, chacun observe à la dérobée comment est habillé l'autre, l'âge qu'il peut avoir. J'essaie de deviner qui va voir quel médecin. Lequel est pour le père, lequel est pour le fils. Avec l'habitude, j'arrive à ne plus me tromper. La chaleur du radiateur, l'humidité qui se dégage des plantes vertes et le manque d'air nous rendent de plus en plus avachis. À la fin d'ailleurs, tout le monde dort, ou presque. Tout le monde dort, mais tout le monde reste. Je n'ai jamais vu quiconque quitter la pièce et faire cesser l'attente de son plein gré. Quand on vient ici, on a pris ses précautions, réservé son après-midi. Comme si par le miracle de cette salle d'attente, une visite désagréable chez le médecin devenait une après-midi buissonnière, un rendez-vous avec soi-même. Les habitués finissent même par apporter leurs livres, par descendre acheter le journal, heureux qu'ils sont de pouvoir enfin s'y consacrer. Pour la plupart des patients, c'est un moment suspendu, un moment qui s'étire, mais qui peut se révéler agréable. Pour d'autres, l'agacement n'est pas long à se faire entendre, et parmi notre secte, ces manifestations sont très diversement appréciées. Les paroles mesquines ne rencontrent aucun écho, et le lourd silence des autres retombe alors de tout son poids sur le perturbateur non initié. Mais il arrive aussi que nous soyons plus en verve. Une remarque désobligeante sur le retard accumulé entraîne soudain un pépiment incontrôlé et massif qui dérive habilement vers un sujet beaucoup plus consensuel et apaisant. Soudain, la porte s'ouvre et le médecin vient chercher son nouvel élu. À cet instant précis, le silence s'installe à nouveau jusqu'à la prochaine fois. Cette porte, dont chaque ouverture nous laisse entrevoir un peu plus ce qui nous guette, tapis au cœur de soi. Demi-heure après demi-heure, le mouvement éclair de la porte nous rapproche du sens de notre attente. Il nous ramène à nous-mêmes, de façon chaque fois plus oppressante. Chacun de nous est en quête de plus qu'une ordonnance. Plus les portes s'ouvrent, plus elles se referment, plus ma tension intérieure monte. Quand elle commence à devenir intolérable, c'est le moment que mon médecin choisit pour venir me chercher. Et je suis résolue à lui abandonner ma douleur. En ce qui me concerne, je vais chez le fils. Et je n'ai jamais regretté mon choix. Certes, je n'ai aucun point de comparaison, aucune pratique personnelle du père qui puisse étayer mon contentement du fils. Mais je n'ai aucun doute. Solidarité du renoncement. Chez nous aussi, on est de père en fils. tenter de faire sa clientèle à côté du grand chêne. Je sais. Récupérer les dossiers pourris, j'ai vécu. Les déconsidérés qui ont l'habitude du père et se retrouvent relégués chez moi, je les connais. Comme tous ceux qui me voient en moins bien, moins compétent, moins intelligent, moins. Je suis notaire de père en fils. Chez nous, il n'en a jamais été autrement. Et je viens consulter parce que le fils ne peut pas devenir père. Spermatozoïde paresseux. Le diagnostic est enfin tombé. Je n'ai pas voulu d'un spécialiste pour suivre mon dossier. J'ai souhaité le fils du médecin de famille, celui qui sait en silence et qui va m'opposer le seul traitement efficace. Partir. Ne pas m'attarder dans la stimulation expérimentale. Ne pas m'enfermer dans une thérapie conjugale. Depuis ces longs mois de stérilité où nous tentons d'en comprendre les raisons, à force d'examens, de silences coupables, de sordides analyses, elle d'abord, et puis moi, prenant le relais de la honte avalée. La messe est dite, tout est de ma faute. À quoi sert d'affronter la réalité plus que de raison? Le regard saillant de mon père au bureau tous les jours. Le défi triste de ma femme tous les soirs. Je suis perdu pour la cause de la famille. Je suis perdu pour transmettre notre nom et notre métier, parce qu'il n'est pas envisageable de donner tout cela à un étranger. Ma femme a proposé de m'accompagner, d'autant plus digne qu'elle n'est plus en ligne de mire. D'autant plus proche qu'elle sait maintenant qu'elle peut tout perdre. Je n'ai pas voulu. Pour une première fois, je lui ai dit non. J'ai voulu être seul face à cet ultime rendez-vous médical. Tout comme je sais que je serai seul désormais. C'était Une férocité impossible à atteindre de Judith Louis. Drôle d'endroit. 4e émission. Avec Raphaël Bouchard et Pierre Osseda. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.